France Impro. Ça donne chaud. Salut à tous, c'est France Impro ce matin. Bah, on est bien sûr 89.1, éphémère. Et bah, on est dans les studios avec Dominique. Bonjour. Et Jean-Michel au micro, là. On va vous faire une petite émission sur les musiques étranges et bizarres. Il y aura de la poésie, il y aura des textes, il y aura du son. Il y aura de l'actualité aussi. Et je crois que c'est tout. Voilà, il est 10h02. Et c'est parti. On va commencer par... on va passer un moment des copains à Gafia. En fait, c'est une émission, on va dire, je sais pas, qui n'est pas vraiment improvisée, mais qui est normale. C'est une émission composée par Jean-Michel au milieu de la nuit, entre son premier et son second sommeil. Et il me tarde d'entendre ça. C'est ça. Alors, Agafia, c'est Laurent Paris et Marc Mafiolo. Et Agafia, pourquoi ? C'est parce que la vie d'Agafia Likov, ermite de la taïga, est pleine des liens profonds qui unissent les hommes à leur environnement. Thank you. Voilà, c'était Agafia. On voulait vous réveiller tranquillement ce matin. On a écouté quelques morceaux de cet album qui s'appelle « Pour bien commencer la journée ». Les chiens aussi s'endorment devant la télé. Technologie d'avenir. L'air est plein de je ne sais quoi. Et on continue avec... autre chose, je vous en parle après. Thank you. Eh bien, on écoutait un album qui s'appelle Enos, du nom du groupe. C'est un quintet avec Pierre Desraux, Cathy Tardieu, Marc Desmoreau, Jean-Denis Rivalo et Laurent Paris. C'est un morceau qui s'appelle L'usine plastique. On va continuer avec un autre morceau qui est intitulé L'oiseau bric-à-brac. Yeah. Alors on va vous lire un petit morceau, un petit texte choisi par Jean-Michel. C'est un extrait de « C'est beau une ville la nuit » de Richard Bohringer. Alors j'en lis un petit bout, puis ensuite on va mettre un petit morceau, puis ensuite Jean-Michel lira un petit morceau, etc. Alors ça s'appelle « Parvin, voyageur immobile ». Ma page blanche, je te mets à plat sous ma main, et puis j'écris « oiseau fleur ». J'ajoute « rouge, bleu ». À l'autre bout de la ligne, après le noir de couloir, je fais tomber étincelant à côté de drapé avec des plis dorés. Je fais tomber un drapé étincelant avec des plis dorés. Je fais des vagues avec les mots de la phrase, et puis je finis avec le mot bateau en pensant à légèrement ivre. J'arrête et regarde dans la rue. Nous serons deux sur le bateau. Ou bien, je serai seul à essayer de t'oublier. J'écris sa main sur la nappe blanche, une main blonde appuyée légèrement sur la pomme et le bout des doigts, immobile, juste avec le cœur qui bat et le verre de vin blanc embué dans la lumière d'une huître désespérée. Voyageur immobile à l'imagination fertile. Grands hôtels vides à l'heure des grandes marées. Inoubliable silhouette d'un corps heureux sous un pan éblouissant de soleil d'été. Dans les villes mortes, les jeunes gens agonisent, trop graves pour voir Venise, et préfèrent les ventres ouverts à des dentelles portées par les vents du désert. En fait, jamais pu vivre la vie en place. Un formidable don d'observation pouvait laisser à espérer un plus grand talent, à une plus grande verticalité. Mais je fais dans le sanguin, l'affectif. À chaque fois, je touche les anges sans pouvoir vraiment l'exprimer et m'abandonne à des clichés. Je suis superficiel profondément. Ou peut-être profondément superficiel, il suffira de la couleur du matin. Toujours vivre dans une cale au milieu d'un trésor inventé, de l'Inde du Sud au Grand Nord emmitouflé, des tavernes exaltantes de destins brisés, de petits matins intemporels où l'élitisme rend prince indompté. Tout n'est qu'invention. Oui, je crois en moi. À de rares instants, je pense même qu'il est bien que j'existe. Et puis parfois, je trouve cela d'une banalité effrayante. En fait, aucune importance. Vite respirer, encore et encore. Me broyer les poumons de l'oxyde de vie. Me vautrer des deux côtés. Me rituer l'huile odorante. Me refaire la peau à coups de nouvelle vie. Ne rien savoir et tout humer. Je n'ai envie que d'entendre mon cœur battre. C'est le bleu du bleu qui vient dans ma vie. Je te quitte pas, Apollo. Mais rien à faire. Va falloir que j'aille faire un tour du côté du bonheur. On se reverra au hasard des diables. Quand la cellule se révolte, il n'y a pas d'heure pour ça. Tu te promènes sur de toi. Et brusquement, tu les sens. Tu résistes encore un peu en te disant qu'il fait trop beau pour se laisser couler. Mais ça frémit sur la peau. Puis retourne. Un coup d'œil à droite, à gauche, et vive l'infanterie, tout à coup de barre. Je ne te quitte pas, Apollo. Tu vois bien, j'y pense toujours. Pas toujours, Il y a même des jours où je ne veux pas. Alors les diables tirent sur tout ce qui bouge dans mon corps, dans mon âme. Et s'agenouillent parmi l'oir au coin du bar et te disent qu'il n'y a qu'avec toi qu'ils aiment déraisonner. Tu jettes un regard désespéré au loup Fiat pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il te parle, qu'il ne faut pas être frangin, qu'il faut que tu te retournes, que tu te sauves vers la maison claire où il y a des enfants, des petits-enfants bleus qui t'attendent avec leurs rires et leurs humeurs. Pas de guenilles ce soir, pas de barchons de bananes, pas de cours des miracles. Quasimodo rentre à la maison. Il faut qu'il prenne Esmeralda dans ses bras. Polo, il faut que je te raconte comment c'est le bonheur. Enfin, le moment qui s'invente, qui se construit aussi follement que la bière coule au creux du ventre. Maintenant, je veux vivre la vie d'un mec qui avance. J'ai trop vécu celle de l'angoissé qui recule. Le petit banlieusard à sa mémère, pendant qu'il fermait sa gueule, n'en perdait pas un mot de tout ça, de la vie et de ses putains de misères. Il apprenait le petit banlieusard pendant qu'il fermait sa gueule et qu'il passait pour un poivreau. Il apprenait la vie à sa façon. Fallait bien remplacer papa. Mon papa à moi, c'était le bar. Bordel de bord de la mer que la vie. Est-ce que j'aurai le temps de me servir de ma mémoire? Les mines du roi Salomon. Même que j'aurai mangé des pommes avec Richard Cœur de Lion. Palerme à la place de Longue-Vie. Pour le silence, la poussière et une impression d'éternité. C'est beau, une ville la nuit. Et puis un hôtel où il n'y a rien. Ni dealer, ni jazzy, ni chanteuse de blues. Mais on y va le cœur battant. Un hôtel cache toujours quelque chose. Il y a des villes à une rue, des villes à mille et une rues, des villes serpents avec des frissons d'argent et d'or la nuit. Il y a des villes qui sentent la femme quand il fait chaud au long des terrasses. Alors les villes t'emmènent comme un gros bateau. Elles s'inventent des frontières, d'autres horizons pour te séduire, pour t'engloutir. Le pot polo que j'ai eu de m'être inventé au creux des villes, la hargne de tout retenir, de faire éclater le point à l'horizon, mémoire. Où les ponts d'ombre deviennent flamboyants. Dans le fond de ma poche pour l'abriter du vent quand j'étais gosse. Pour la protéger des sceptiques, des incroyants qui pensent que les enfants ne prient pas ou ne prient qu'à moitié. Je n'aime pas la vie d'homme. J'aime l'adolescence. Aujourd'hui, penché sur le clavier, je revis. Ma mémoire s'envole, choisit et se pose sur mon épaule. Il n'y aura pas beaucoup de pages, il y aura le son et puis les images. Elle guide aussi, elle choisit, elle s'impose, simplement. Sans être hostile à des souvenirs qui seraient plus douloureux, mais elle indique la vie, elle m'élève. Elle est douce comme la main de bébé qui s'abandonne. C'est avec ma mémoire que j'existe, comme si l'avenir était déjà dedans. Elle m'aide à me jeter en avant. La vie, je la gagnerai toujours d'une courte tête. Je pourrai jamais me reposer, jamais m'arrêter. Alors je la berce, elle est ma glaise, ma sculpture inachevée. Thank you. Bon, je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Je vois des vaches jaunes dans le pré, là. Je dis non, il y a des vaches. Il y avait des vaches, il y en avait derrière la grange, il y en avait devant l'hangar, il y en avait partout. Il y avait 80 vaches autour de la maison. Mais je dis, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vaches? Vous êtes sur France Impro. Écoutez, pardon. Alors, on vient d'écouter toute une série de morceaux toujours tirés du disque Enoz avec Pierre Desraux, Cathy Tardieu, Marc Desmoreaux, Jean-Louis Rivallo et Laurent Paris. Laurent Paris, c'est un excellent choix pour le texte que nous avons lu avec Jean-Michel, puisqu'il est sculpteur et le texte de Richard Bourringer parlait de sculpture, jamais m'arrêter, alors je la berce, elle est ma glaise, ma sculpture inachevée justement. Voilà, et on va continuer avec un disque de Christine Vodraska, la grande Christine que un jour il faudra qu'on invite dans ce studio quand même. En effet, en effet. Dans le texte, à l'intérieur de ce disque qui s'appelle Linéaire, il y a un petit mot de Anne Montaron, qui est journaliste sur France Musique notamment. Et elle dit la chose suivante. On sent que l'univers sonore qui se déploie là n'obéit à aucune règle, qu'il naît dans l'instant et se développe de façon organique, à mille lieues de tout système d'organisation rigoureux. En même temps, c'est le soin, l'engagement apporté par la musicienne à cette musique de l'instant qui insouffle à cet organisme vivant ce qu'il lui faut de sève, de vie, pour qu'il s'épanouisse et rayonne. On n'est pas très loin du végétal. Thank you. On vient d'écouter Christine Wodraska dans un morceau qui s'intitule « La machine du vieux Kamaji ». Et on va écouter un autre morceau qui s'appelle « L'âme de fond à l'horizon », Claude. Thank you. Bien, on touche à la fin de l'émission dans 5-6 minutes. Ce qu'on se proposait, c'était de vous présenter l'agenda de la quinzaine sur les différents spectacles et autres performances qui pourront avoir lieu à Toulouse et dans la région. Peut-être je vais commencer d'abord par quelque chose qui a déjà commencé au Théâtre du Ring. Ça a débuté le 2 novembre, c'est une pièce de théâtre. Elle sera présentée mercredi 16 à 21h, jeudi 17 et samedi 19 à 20h30. Ça s'appelle Massacre à Paris. C'est mise en scène de Marie-Angèle Vore. C'est un texte de Christopher Marlowe de 1572. La scénographie, c'est Michel Mathieu qui s'en est chargé. Et la création musicale, c'est Michel Nodeda qui sera avec une interprétation en direct. Voilà. Michel Donneda, qu'on salue et qu'on aurait aimé avoir ce matin avec nous dans le studio. Ce sera pour la prochaine fois, lors de son prochain passage à Toulouse. Ensuite, ce soir, nous avons un concert. Jean-Michel, c'est toi qui vas en parler, on avait dit. Exact. C'est un concert qui se passe au Théâtre Le Hangar, qui est rue des Cheminots. Et c'est deux concerts en fait, qui s'enchaînent, c'est deux solos. L'un de Claire Bergerot, voix et accordéon. Et l'autre de Will Guthrie, batterie et percussion. C'est à 20h30, si je ne m'abuse. Il n'y a pas l'horaire, je pense que c'est 20h30. Et voilà, le prix d'entrée, c'est 10 euros. Vous pouvez trouver les infos complémentaires sur le site du Pavé dans le Jazz ou dans le programme du Pavé dans le Jazz, l'incontournable festival de musique de jazz vivant à Toulouse. Ensuite, le 13 et le 14, il y a un festival qui s'appelle Multiversal. C'est assez énigmatique, hein, mais ça a l'air assez intéressant. Ça a l'air très intéressant. Donc, vous pouvez trouver les infos sur multiversal.eu. Alors, c'est un festival itinérant qui est passé par Ljubljana, des villes dont le nom est imprononçable. Vronica, Koper, Troublie, Bistrica, Jesi, Napoli, Turin, Barcelone, Toulouse. Et ensuite, il ira à Marseille, Londres, Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam, Athènes et Oslo. Donc, c'est un gros truc. Il y a des gens très intéressants. Je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est présenté comme... des festivités itinérantes pour, alors je cite en anglais parce que le site est en anglais, Hard Listening, Non-Music, Non-Performance and Negative Arts. Alors je pense qu'il faut absolument y aller pour voir de quoi il s'agit. Alors ça commence le 13, c'est-à-dire demain, le dimanche 13, à La Virgule. Alors La Virgule, on a cherché un peu, c'est un centre socioculturel du côté de l'Union. Donc cherchez sur internet La Virgule, alors l'adresse exacte c'est 98 chemin Vireban, et ça continue le 14, c'est-à-dire lundi, au Pavillon Sauvage, voilà, à partir de 18h là, au Pavillon Sauvage. Alors La Virgule, je sais pas du tout, mais ça doit être à peu près la même chose. Alors il y a bien une dizaine, quinzaine de personnes tous les soirs sur scène, donc ça peut être, si vous avez envie de vous nettoyer les oreilles et de découvrir des gens, je pense que c'est un, il faut absolument y aller. Voilà, je voulais annoncer également que jeudi soir à 18h, il y a Hafid Saïdi, qui est poète, qui est aussi pizzaïolo et qui est aussi sociologue, qui fait un apéro dédicace de son dernier ouvrage sur la sociologie. Voilà, c'est à la Pizzeria Belfort, donc jeudi soir, le 17. Ensuite, du 16 au 19, trois soirs de suite, donc il y a un concert, un certain Sec. Sec et ses amis qui rousiguent Léo Ferré. Alors Sec, c'est un duo basse-batterie. Ses amis, c'est trois saxos, un violon, une autre basse et un mec. Rousiguer, ça veut dire grignoter avec les incisives. Et Léo Ferré, c'est un chanteur un peu connu, un poète, un anarchiste, il me semble. Le 17, donc... Le 17, c'est quel jour ça? C'est jeudi soir, nous avons un concert d'un certain Brutla Quartet, orchestre improbable. Alors Brutla, ça veut dire ça brûle, ça, c'est de l'occitan, ça se prononce brûlot. C'est un orchestre de bal ouvert à l'improvisation, donc ça, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on en parle, notamment avec Youssef. Je ne sais pas s'il fait partie de cette aventure-là, mais non, apparemment non. Il y a Camille Chépé au sax trompette, Thierry Roque à l'accordéon, Thibaut Soulas à la basse, Laurent Paris, c'est encore lui, à la batterie et aux percussions. Donc ça se passera à Saint-Barésille, donc tarif 5 euros, ouverture 21h. Donc Saint-Barésille, c'est rue Roquelaine, 38 rue Roquelaine, métro Jeanne d'Arc. Toujours le 17, il y a énormément de choses début novembre, vous pouvez le constater. Il y a une scène ouverte du collectif Apax. Le lieu, c'est le collectif Apax. C'est 5 rue de la Digue, semble-t-il. Voilà, jeudi 17 novembre à 20h30. Alors, le 18, donc vendredi 18, un vernissage, une certaine Nadia von Foutre, ruissellement. Donc, carte à gratter et encre. Donc, je lis la description. Le regard curieux, la main gourmande, le geste tantôt délicat, tantôt furieux, Nadia von Foutre varie les supports au gré des projets. Dessin, encre, affiches et fanzines, fresques, illustrations, etc. Et dernièrement, performance live au rétroprojecteur. C'est par des griffures et des giclures qu'elle répond à l'invitation de Mixart Miris. Des nouvelles séries d'encre et de cartes à gratter ruisselleront le long des murs, entre sensualité et défouloir visuel, rage et volupté. L'expression se fera vivante et vibrante puisqu'elle sera ponctuée de différents événements. Donc c'est un vernissage. Et ensuite, il se passera des tas de choses entre le 8 et le 12 novembre. Donc, en fait, ça c'est un peu tard, mais Nadia va réaliser un dessin gratté géant. Donc, c'est tous les jours entre 15 et 19h. Donc, on peut voir la fin ce soir, entre 15 et 19h. Cet après-midi, on peut aller regarder la fin de son dessin gratté géant à Mixart Miris. Et le 18 novembre, donc, on a le vernissage à 20h. À 21h, un concert projection avec Bertrand Fraisse. Notre ami Bertrand... qui s'occupe de tout ce qui est technique de la rallonge. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la rallonge, ce super projet. Vous pouvez regarder sur le site internet. On fera une émission sur la rallonge. C'est larallonge.franceimpro.net. Et le 26 novembre, on a le dévernissage, qu'on appelle ici finissage avec un apéro foutre. Le 19 novembre, il y a un festival qui s'appelle La Souterraine Fleuve au Théâtre Garonne. Donc il y a plein de choses, il faut aller voir sur le site du théâtre. Et j'enchaîne avec le 22, il y a un concert toujours dont on a présenté tout à l'heure la première. Qui s'appelle Sec ne chante pas Léo. C'est le 22 novembre au SIAM, à l'université toujours de Jean Jaurès. Voilà, c'est la fin de l'émission. Il est 11h01, on va vous laisser, on se retrouve le 26 novembre Avec une émission en spécial, il y aura un quintet en direct dans le studio qui s'appelle Montag, si je ne me trompe. C'est une émission préparée par Youssef. Ce sera le 26 novembre. Et l'émission suivante aura lieu le 10 décembre avec Sébastien Sirotto qui se charge de la programmation musicale du festival Noise au Théâtre du Ring. Donc il y aura probablement aussi du son et des musiciens dans le studio le 10 décembre. Voilà, on vous souhaite de passer une bonne quinzaine. Portez-vous bien et à bientôt. J'entendais la musique de l'atelier flamenco qui était juste en bas, en fait. Et oui, dans sa salle historique, hein, qui avait été victime d'un incendie. Ouais.